Bonsoir petits et grands. Eh oui, le retour, la rentrée de la machine à son. Ah, je vois vous trépiner d'avance. Vous êtes vraiment trop gentils, trop gentils. Donc ben voilà, nouvelle année qui démarre, enfin nouvelle année radiophonique bien sûr. Hein, ne vous trompez pas, on n'est pas encore. Voilà, bref. Voilà, ça y est, j'ai déjà perdu le fil du truc, c'est dingue ça. Même pas 30 secondes que je parle et déjà je sais plus où j'en suis. C'est l'émotion de revoir aussi le professeur, parce que le professeur, figurez-vous, il est arrivé hier soir, un peu tard. Donc du coup, il est venu me voir direct pour préparer l'émission en pleine nuit, évidemment, parce qu'il avait un peu perdu la notion du jour, de la nuit. Et oui, à force de traîner dans des caves un peu partout, dans les montagnes françaises et les campagnes perdues, voilà, il est un peu perdu, mais bon, vous savez bien comment ça se passe. Pour les nouveaux, je vous rappelle que La Machination est une émission qui se fait à partir de deux cerveaux brillants. Celui du professeur La Bicicleta et le mien pour attraper un peu l'affaire. Le professeur ne parle pas parce qu'en fait, il est doué de parole, hein, c'est pas le problème. Mais en fait, il préfère ne pas s'exprimer dans l'émission. Il s'exprime, lui, en ramenant ce qu'il peut collecter partout où il traîne en disque. Et c'est en gros le principe de l'émission pour les nouveaux, les nouvelles, s'il y en a. Voilà, il y a peut-être que des anciens, des anciennes, et au final, c'est pas plus mal. Et oui, parce que bon, il faut un certain temps d'adaptation à La Machination. Le premier coup, mesdames et messieurs, qui débarquez, ça risque d'être un petit peu complexe. Laissez-vous aller. De toute façon, il y a toujours une petite période, un petit moment de démarrage, de préparation mentale. Voilà, c'est ça, c'est le terme à la mode là, depuis cet été. Donc voilà, je suis un peu le préparateur mental de cette émission, le professeur, le préparateur musical. Voilà, si vous voulez comprendre un petit peu la famille de La Machination. Donc bref, le professeur donc est rentré plein d'entrain de ses vacances. Alors comme je vous le disais, en pleine nuit, il est venu avec ses caisses de disques parce que évidemment il a passé tout l'été à fouiller partout où il a pu pour vous ramener de quoi écouter le mercredi. Ça vous fait du bien quand même dans ce monde de cacophonie et d'absurdité, de temps en temps un peu de sérieux. Et oui, je vois que ça laisse un blanc, mais c'est normal, vous n'êtes pas encore habitués. Donc pour les autres qui sont habitués, ils n'écoutent pas parce qu'ils attendent que la musique démarre, hein, c'est évident. Donc sinon, je vous place un peu le contexte. Donc le prof arrive avec ses caisses remplies de disques, donc dedans tout un tas de trucs, alors des trucs pas mal, je l'avoue, mais des tas de merde aussi. Donc j'essaie de limiter moi à chaque fois. Bon, là j'ai réussi plus ou moins, mais on va étaler. En fait, on a fait un... c'est un peu comme les crédits, on étale en fait. Et donc du coup, comme ça, vous pourrez morfler pendant plusieurs émissions, ça sera intéressant. Mais évidemment, je suis là, comme je suis quand même le préparateur mental, pour rajouter quelques éléments un peu plus sérieux, un peu plus, éducatifs par moment, enfin bref, voilà, etc. Donc, vous voyez. Donc normalement, ça devrait assez bien se passer ce soir, on l'espère. De toute façon, si ça se passe mal, vous inquiétez pas, nous sommes comme des chats, nous retombons toujours sur nos pattes. Donc avant de commencer, parce que voilà, le professeur dans ses pérégrinations, à travers des grottes, des montagnes, des lacs gelés, des je sais pas quoi, tout un tas de trucs, hein, ce qu'il m'a raconté, il est un peu mytho, donc apprendre à laisser. En fait, il m'a dit qu'il avait rencontré plein de gens intéressants qui étaient vraiment axé relation cosmique. Alors ça, c'est quand même un concept assez intéressant. Donc il m'a un petit peu expliqué, j'ai pas tout compris. Mais bref, j'ai compris qu'il y a des techniques pour rentrer en communication avec le cosmos. Alors ça, tout le monde s'en doute. Mais lui, il a trouvé un mec en fait assez intéressant qu'il a pu enregistrer, qui lui, c'est à travers les voyelles. Donc voilà, il a développé quelque chose qui permet, avec le son des voyelles, donc vous voyez, on revient dans La Machination, qui permet donc de rentrer en relation, plus ou moins, ou du moins de tenter, avec le cosmos, les ondes cosmiques, etc. Et donc, du coup, après, y a des chances que vous gagnez au loto, que vous soyez hyper diplômé. Enfin bref, normalement, c'est quand même assez recommandé. Donc, je vous laisse entre les mains. Moi, j'en profite, en fait, d'utiliser ce petit enregistrement précieux pour, en fait, commencer à vous préparer, voilà, à ce qui va suivre. Donc, ça ne sera pas du même acabit, mais c'est à peu près de la même taille. Si nous voulons pratiquer une respiration correcte en liaison avec les sons de voyelles mystiques, nous devons procéder de la manière suivante. Pour nous mettre en harmonie avec le cosmique et nous préparer ainsi à des expériences cosmiques ou psychiques, nous employons le son de voyelle MEH, M-E-H, entonné sur le dos central ou le dos supérieur tout en exhalant. En d'autres termes, nous faisons d'abord une profonde inspiration, nous retenons l'air dans les poumons aussi longtemps que possible sans être incommodés, et nous exhalons alors tout en entonnant les sons de voyelles. Nous ferons donc de cette manière. Suivez-moi bien. Faites une profonde inspiration. Retenez l'air. Maintenant, exhalez en disant Répétez ceci trois fois. Puis, asseyez-vous, demeurez calme et détendez-vous bien. Pour créer autour de nous quelques conditions nouvelles ou pour nous protéger, le son ma doit alterner avec le son ra. Maintenant, inspirez, retenez votre respiration, exhalez en chantant. Renouvelez ceci trois fois. Pour nous guérir d'un malaise quelconque et commencer tout processus curatif, nous employons le son Kei, K-H-E-I, de cette manière. Inspirez, retenez votre respiration, exhalez lentement en chantant Kei. Ceci doit être répété trois fois. y est, vous voilà enfin relié au monde cosmique et aux machins mystiques. Eh oui, avec la machine à sang, ça traîne pas, même pas 12 minutes, ça y est, vous êtes déjà exactement comme il faut pour pouvoir commencer cette émission. Vous n'êtes plus conformiste. Hop, hop, hop, et voilà, c'est comme ça qu'on se fait déborder dans la machine à son. C'est pas grave, ça prouve que vous êtes encore vivant. Surtout moi, en fait. Donc, quoi dire? Alors là, je suis en train de discuter avec le professeur, il me racontait une histoire, je sais pas quoi, qu'il était parti chercher fortune dans un coin perdu, des vallées sombres et obscures. Et en cherchant fortune, bah, il a trouvé ce qui suit. En cherchant fortune, je n'ai trouvé qu'un rayon de lune et tes baisers. L'amour éternel est pour nous deux, que la vie est belle, c'est merveilleux. Je touche du bois, je suis heureux sans un sou. Je touche du bois. Je touche du bois, je ne fais pas de façon. Je m'excuse quand j'ai raison. En cherchant fortune, je n'ai trouvé qu'un rayon de lune et tes baisers. Je voudrais boire un verre aux Champs-Élysées, t'offrir la Joconde, ma bien-aimée. Je touche du bois, je suis heureux sans un sou. Je garde en moi le bonheur que tu me donnes chaque jour, mon amour. Je touche du bois de t'avoir rencontré et de t'avoir aimé. En cherchant fortune, je n'ai trouvé qu'un rayon de lune et tes baisers. Laï laï la la laï la la la la la. Je touche du bois, je suis heureux sans un sou. Je garde en moi le bonheur que tu me donnes chaque jour, mon amour. Je touche du bois de t'avoir rencontré et de t'avoir aimé. Cherchant fortune, je n'ai trouvé qu'un rayon de lune et tes baisers. L'amour éternel est pour nous deux, que la vie est belle, c'est merveilleux. En cherchant fortune, je n'ai trouvé qu'un rayon de lune et tes baisers. En cherchant fortune, je n'ai trouvé qu'un rayon de lune et tes baisers. Vous voyez, professeur, coup des rayons de lune, les baisers, tout ça, vous comprenez maintenant pourquoi il pérégrine de partout, dans les caves, dans les vallées, enfin plutôt dans les grottes, ouais. Le reste de l'année, c'est plutôt, oui, des caves, effectivement, sombres et poussiéreuses, remplies de choses bizarres et mystérieuses. Alors, continuons. Ah oui, alors, ouais. Donc, le professeur est revenu sale, parce qu'en fait, il est parti dans un délire qu'il fallait économiser l'eau, donc il s'est quasiment pas lavé. D'habitude, c'est pas qu'il se lave beaucoup, mais un peu plus. Voilà, là, donc, voilà. Bon, donc, je suis arrivé, et putain, je lui dis, ouais, mais t'es dégueulasse, tu pues et tout. Il me dit, oui, je suis sale, vis. Ah, je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire, vis? C'est le vis. Il me dit, mais non, vis, ça veut dire sale en hollandais. Vis. Zo Wat je wil in mijn kak, mooie rode biefstuk, waarop een vlieg ze een eitje slaat. Dat is zo vies, zo vreselijk vies. Oh, zo vies. Quand même, oui, il fallait le trouver, c'était une circonstance. Sinon, quoi vous dire, parce qu'il m'a raconté tellement de trucs incroyables, notamment l'histoire d'un chien Boule. Alors j'ai rien compris, parce qu'en fait Boule, le truc c'est que c'est un chien gentil, mais a priori dès que son maître le lâche, il se barre. Thank you. verdadeiro, o bem, o belo e o verdadeiro. Senhorita Ordem, pregando o caos. Senhorita o caos, pregando a ordem. Senhorita Ordem, pregando o caos. Senhorita o caos, pregando a ordem. Senhorita Ordem, pregando o caos. Senhorita o caos, pregando a ordem. Senhorita Ordem, pregando o caos. Senhorita o caos, pregando a ordem. Senhorita Ordem, pregando o caos. Senhorita Ordem, pregando o caos. Vous êtes bien évidemment dans la machine à son, vous vous en doutiez. Allez, moment de respiration, de calme et de sérénité. Un moment propice à l'amour, l'amour entre les peuples, l'amour entre les êtres. Mon premier mari s'appelait Auguste, il était gentil, gentil, mais hélas, son porte-monnaie était un peu juste pour mon appétit, et voilà pourquoi, pourquoi un beau jour. Pendant les vacances, une embolie tua le pauvre garçon. Alors que tranquille et plein d'innocence, il venait de finir un plat de champignons. Si ma chanson est vénéneuse, c'est tant pis pour la poésie. Si ma cuisine est malheureuse, c'est embêtant pour mes maris. Mon second mari était mort à peine que je rencontrais un charmant garçon qui 6 mois plus tard décédait lui-même pour avoir mangé trop de champignons. À ses funérailles, je fis la rencontre d'un monsieur très riche, plein de distinctions, qui me laissa veuve une fois encore après être mort d'une indigestion. Si ma chanson est vénéneuse, c'est tant pis pour la poésie. Si ma cuisine est malheureuse, c'est embêtant pour mes maris. J'enterrai aussi un juge d'instruction lorsque je connus un très beau jeune homme qui était cousin du juge d'instruction. Et voilà 10 ans qu'il m'a dit: ma bonne, vous ferez toujours ce qu'il vous plaira. Je ferai en tout selon vos façons, mais je ferai la cuisine, et en plus de ça, nous ne mangerons jamais, jamais de champignons. Ma chanson n'est plus vénéneuse, adieu le temps des embolies. Je n'ai pas eu la main heureuse en prenant ce garçon pour mari. Maintenant, derrière ma croisée, je regarde passer les enterrements. Ça me rappelle mes jeunes années. Où sont les champignons d'antan? Eh oui, on se demande bien où sont les champignons d'antan. Et ben, ceux d'aujourd'hui sont quelque peu plus édulcorés. En attendant, ce qui n'est pas édulcoré, c'est la suite. La suite, c'est notre hommage au professeur Amois, à tous ceux qui cet été se sont aimés. Je reprends la main par le professeur. C'est un grand blagueur. Il m'a fait, un petit piège, une entourloupe. Parce qu'il trouve toujours que je ne suis pas assez attentif à ce que je fais. Alors vous voyez, en fait, sur ce disque fantastique, il est en fait deux faces. Une chantée, l'autre pas chantée. Et celle chantée est quand même préférable. Donc je reviens avec la chanteuse. A tout de suite. Allez Kira, bouge. C'est l'heure. Tu fais chier, t'es toujours en retard. La voici. Kira. Ça rigole partout. Je te donne un gros bisou dans le cou. Une paire de baskets, ta mobilette. Je veux souvent ce sac est chouette. Vacances à deux, vacances à deux, heureux. Vacances à deux, vacances. Oh! sommet de la Saint-Nazaire. Entrée gratuite, spectacle, son et misère. Les poches légères à la fin du mois, à peine plus lourdes en début de mois. Pendant ce temps, le patron apprend à la boule des repas à 200 francs. Du tennis à 30 francs la demi-heure, ce qu'il nous donne pour 6 heures de labeur. Ne parlons pas de nos distractions, on les passe au service des patrons. Nous avons marre de cette vie d'abruti, nous avons marre de cette vie d'abruti. Expansion, parlons-en de l'expansion. À sens unique, la participation. Voilà qu'il faudrait défendre la monnaie. On ne peut défendre que ce que l'on connaît. Qui a dit qu'il fallait se sacrifier? Au chantier par mois, un mort, 15 blessés. À ce qu'on dit, la France serait grande, justifiant qu'il faudrait la défendre. Il faut de l'ordre en nouvelle société. Intérêt national pour qui l'intérêt? Nous avons marre de cette vie d'abruti. Nous avons marre de cette vie d'abruti. Tant messieurs de nous exploiter, vos consous messieurs vous protéger. Un camarade se trouve déplacé, un camarade se trouve renvoyé. Pour les calmer virons les meneurs, mais nous sommes des millions de meneurs. Les chantiers sont notre propriété, de notre travail assez profité. La dictature ne peut durer toujours, patron profite des derniers beaux jours. Nous avons marre de cette vie d'abruti, nous avons marre de cette vie d'abruti. Comment s'appelle? Comment s'appelle, t'as tout dit? Comment s'appelle, dis? Comment s'appelle? Hein? Hein? Sucrez vos mouchoirs quand vous pleurez. Vos larmes du soir en seront charmées. Vous mangerez tous les gâteaux au grand goûter de mes fistos. La la la la la la la la la la la la la. Sous les beaux sapins quand vient Noël, ce sont des lutins prisonniers du gel. Ils danseront dans vos lits avec la lune et des bonbons. Chacun et pour chacune, et le roi seul se bercera dans ses bras. Il aura froid tout en haut de son beffroi. Nous irons tous jouer du luth au grand couscous de Belzébuth. La la la la la la la la la la la la. Vos habits avec du miel, mangez-les la nuit de Noël. Dévorez-les avec votre bien-aimé, savourez-les sur son cœur et sur ses pieds. Et le roi seul se bercera dans ses bras. Il aura froid tout en haut de son beffroi. Et nous irons faire bonne chère au réveillon de Lucifer. La la la la la la la la la la la la la la la la. Sucrez vos mouchoirs quand vous pleurez. L'arme du soir deviendront des faits. Le silence, l'été, le chant, l'amour. Est-ce que vous êtes Est-ce que vous êtes Est-ce que vous êtes Est-ce que vous êtes sardine fut un des premiers de mon vocabulaire parce que mon père la pêchait. Le roi de l'île, le roi de l'île, c'est son raisin, et sa roseau, et sa nuage. Allons, mesdames, voyez comme elle est fraîche. Comment, à quoi on peut le voir? L'odeur, mais vous sentez pas? L'odeur iodée, franche, bien rouge, brillant. Le roi de l'île, c'est la vie, c'est la vie. Ah, mais pas mal, hein? Est-ce l'amour? Est-ce le chant? Un silence. Le chant? Est-ce l'été? Est-ce le soleil? La pied nue? Est-ce le chat? Est-ce la un silence? Est-ce la terre? Un avion? Un pied nu? Le roi de l'île sera-ce lui? Sera-ce toi? Sera-ce moi? Thank you. allez bien? Vous êtes-vous sorti des griffes de l'idole noire? Le professeur, pas du tout. C'était pas trop tôt, hein. C'est un peu chiant, hein, quand même. Le professeur, il y tenait absolument. Il me dit, ouais, mais c'est un super disque, il est rare et tout, machin, nanana. En même temps, ça vaut pas la suite. Oh! qui vous remet un petit peu d'aplomb. Mais oui, bientôt c'est fini, donc il faut que vous puissiez reprendre une vie normale, sans perdre la tête. Un poisson populaire, un poisson sans façon, très simple. Dans l'eau, comme sur la terre, existe une hiérarchie. Les bandes de sardines, c'est la masse, la foule, la piétaille. La sardine est un poisson migrateur saisonnier qui peut atteindre 25 cm de long. Pas mal les sardines. Eh oui, on finit sur la sardine. Eh oui, la sardine qui a fini la machine à son, c'est dingue. Et du coup, il y a plein de trucs que j'ai pas eu le temps de vous passer ce soir. Le professeur est désespéré. Il pleure sur ses disques. Et quand est-ce que tu les mettras? Et machin. Eh bien, ça sera la semaine prochaine. Rassurez-vous. Donc, ce soir, vous avez entendu. Eh bien, là, Guy Galacho, célébration de la sardine pour finir. Qui a remplacé, allez, vous l'aurez une prochaine fois, Intox fatigué. Bah, c'est pas plus mal, hein, parce que fatigué dans la nuit, là, vous l'auriez été. Sinon, vous avez écouté, allez, dans un ordre plus ou moins, voilà. Les Levitating Churches, The Tribe, John G. Cabanis avec son excellent Idole Noire. J'ai 30 secondes, donc du coup, je suis obligé de mettre le son derrière. Mais maintenant, j'ai un système hyper magique où dès que je parle, ça coupe le son. Oh, c'est incroyable, les techniciens sont fantastiques. Donc, Gigi Cabanis, The Sound, Kira, Anne Gascoigne, Gualda et Drouet, Enville FX, Toze, Art Brewer avec son vice, Hector Le Prince, The Animals, Antinager, David Lynch, Michel Colombier et les Rosie Cruciens au tout début de l'émission. Bonne nuit, à la semaine prochaine.